e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro. Les établissements Mariano au Cave du Portugal à Sémois préparent la fête de la châtaigne. Au Magusto. Les châtaignes sont arrivées aux établissements Mariano. Venez découvrir la châtaigne portugaise avec son goût unique et les fruits de saison gorgés de soleil. N'hésitez pas à les accompagner de jeroupigues au bon vinho à consommer avec modération. Cela jusqu'au 11 novembre. Vous pourrez également découvrir de nombreux produits et commencer à préparer vos fêtes de fin d'année. Diverses promotions vous attendent. Donc, venez nombreux. Então não se esqueçam, até 11 de novembro, passem pela Casa Mariano para preparar o magosto e nem só. Les établissements Mariano, au Cave du Portugal, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Vamos bailar com a gentinha da Madeira. Du Portugal du mardi 5 novembre au samedi 9 novembre 2019 dans les magasins Super U et Hyper U de la région. Hyper U de Baule, Chalette, Montargis, Saint-Père-sur-Loire, Prunay-en-Sologne, Chissé-en-Touraine, Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Florent-sur-Cher, Salbris, Selles-sur-Cher, Vierzon, Beaune-la-Rolande, Beny-sur-Loire et Châtillon-Coligny. Retrouvez les produits suivants. Le chinchard surgelé en 1 kg à 4,95 €. Le chevreau à 10,50 € le kilo. Les gésiers de volaille frais à 2,95 € le kilo. Les morceaux de morue surgelée en 800 g à 5,95 €. Le chorizo moro, la pièce de 180 g à 1,75 €. Chorizo piripil transmontano 180 g à 1,95 €. La morue calibre 16-20 à 9,95 € le kilo. Le jambon sans os à 37,90 € la pièce de 6,5 kg environ. Soumol, orange ou ananas, le pack de 6 bouteilles de 1,5 litre à 7,45 €. Le vin vert gâton rosé ou blanc, la bouteille de 0,75 € à 2,95 €. Porto Branco. Lágrima Ramos Pinto, la bouteille de 75 centilitres à 11,45 €. Porto Tinto Calen, Três Velhotes, la bouteille de 75 à 7,95 €. Les beignets de crevettes ou viande à 2,99 € la barquette. Chorizo Transmontano à 7,95 € les 720 grammes. La bière Sage Radler, 6x33 à 3,95 € le pack. Les gâteaux Natas à 3,75 € les 360 grammes. Le vinaigre blanc Lesiria à 0,69 € la bouteille de 50 centilitres. Vin blanc Zemanel 1,95 € la bouteille de 75. Les olives noires Galega à 1,45 € les 215 grammes. Les biscuits Maria 4x200 grammes à 1,95 €. Retrouvez tous nos produits dans les Super U et Hyper U de la région. Semaine du Portugal du mardi 5 novembre au samedi 9 novembre 2019 dans les magasins Super U et Hyper U de la région. Hyper U de Baule, Chalette, Montargis, Saint-Père-sur-Loire, Prunay-en-Sologne, Chissé-en-Touraine, Saint-Aignan-sur-Cher. On va pas recommencer, hein. Faut quand même pas exagérer. A empresa Oliveira, com especialidade na renovação e isolamento exterior e interior em todo o tipo de pinturas, procura vários obreiros com motivação e disponibilidade, com ou sem experiência consoante o perfil. Contacte já o Sr. Oliveira pelo 06-59-74-21-01 ou 02-38-76-40-86. Sou calceteiro, gosto de assentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Samuel Pavegor est le spécialiste du pavage, la création d'allées de clôtures, de terrasses dans la maçonnerie. Et Samuel Pavegor saura vous conseiller sur le choix des pavés, granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. SARL Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45520 à Sercotte, au 02-52-16-09-93 ou 06-06-61-31-34. Ei, vocês sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montição em São João Blanc, e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montição em São João Blanc com a Maria Lisboa, e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montição em São João Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. Où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise. Sur la mer d'accordéon. petits et grands en même temps. Comme ça c'est très bien, et maintenant on tape dans ses mains. Chantons-les, nos succès de France, nos mélodies, nos profonds. Aux accents du Nord ou de Provence, quand ils nous invitent à boire un petit coup, qu'il soit temps ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Il est 14h12 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On se réveille avec 10 bonnes minutes de publicité. Pourquoi pas? Je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi à l'écoute du 96.2. Et c'est cocktail coloré comme chaque lundi. Et on commence tout de suite avec, à avoir un bon copain, ça arrive. Moi j'en ai, mais ça arrive. Et c'est Georges Guettari que l'on retrouve. Mon homme ne sort que la nuit. C'est à croire que le jour lui fait peur. Il a quelque chose de pas clair sur le cœur qu'il tracasse et toujours le poursuit. Le soir, il se glisse sans bruit dans les rues où l'ombre est complice. Il craint la lumière autant que la police. Ses copains disent qu'il est fini, mais moi, je l'aime. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'il n'a plus que moi. Quand même, malgré tout ce qu'on dit, je l'ai dans la peau pour la vie. J'aimerais m'en aller avec lui, m'en aller danser le dimanche. Quand il y a du soleil sur les guinguettes en planche, mais mon homme ne sort que la nuit. Sort que la nuit, c'est à croire que le jour lui fait peur. Il a quelque chose de pas clair sur le cœur qu'il tracasse et toujours le poursuit. Le soir, il se glisse sans bruit dans les rues où l'ombre est complice. Il craint la lumière autant que la police. Ses copains disent qu'il est fini, mais moi je l'aime. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'il n'a plus que moi. Quand même, malgré tout ce qu'on dit, je l'ai dans la peau pour la vie. J'aimerais m'en aller avec lui, m'en aller danser le dimanche. Quand il y a du soleil sur les guinguettes en planche, mais mon homme ne sort que la nuit. Chez moi, j'ai peur des longues nuits sans toi. J'ai peur de ton parfum dans l'air. J'ai peur des soirs d'hiver. Tandis qu'au bruit de la fête, pendant ce tour des villas, je vais de ci, je vais de là comme en cachette. Et ton nom danse en ma tête, et ta voix chante en mon cœur, sous une pluie de fleurs. J'ai peur de revenir chez moi. J'ai peur des longues nuits sans toi, des heures où je serai ton corps. J'ai peur d'aimer encore. Dans ma maison que tu hantes, à chaque instant tu revis le geste fait des mots qu'on dit d'un air qu'on chante. Et ton image obsédante, où que je sois, me poursuit. Et dans la nuit, je fuis. J'ai peur de revenir chez moi. J'ai peur des souvenirs de joie. Je crains de te crier un jour, reviens, ô mon moi. J'ai peur des souvenirs de joie. Je crains de te crier un jour, reviens, ô mon amour. J'ai peur d'aimer tout. Et on continue avec le cocktail coloré de ce lundi. Et on va écouter maintenant André Lachary et Violetta. Un message à lire à l'antenne, une disparition. Monsieur de 79 ans, se prénommant Antonio Ferreira, 1m68, cheveux grisonnants, corpulence très forte. Il est habillé d'un pantalon et manteau marron, aperçu pour la dernière fois, avenue des Droits de l'Homme. Si vous trouvez, si vous l'apercevez, bien, merci de contacter le 17 pour Radio Arc-en-Ciel, 02 38 43 48 00. Merci. Avec André Bassari et Ave Maria. Maria, ça m'est allé comme est arrivé. C'est pas grave, on va prendre autre chose. André Vassari, ça sera Oh ma rose Marie. Semble nos vos yeux une rose au parfum merveilleux. Et par ce charme adorable exquis, chacun se sent aussitôt conquis. Oh, ma rose Marie, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour s'incliner devant ta grâce. L'oiseau qui se balance vient pour toi chanter sa romance. Et si le bois prend l'air de fermier, c'est pour toi, rose Marie. Et on continue bien sûr jusqu'à 16h. À 16h, vous aurez une nouvelle page de publicité. Et on va écouter maintenant Dario Moreno jusqu'au... Non, Dario Moreno jusqu'au bout du monde. Montagnards, chantons ensemble, montagnards, chantons en cœur. En ce jour qui nous rassemble, que la joie soit dans nos cœurs. Ce matin, tout est en fête, chantons, chantons, voulez-vous la chanson de Bergerette, la bergère de chez nous. C'était une bergère qui gardait ses moutons, et chaque jour sa mère lui disait attention. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. Il te guette, il te guette. Je pense que la chanson est juste, mais j'ai fait une erreur de chanteur. Bien sûr, c'est monsieur Vergetari. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. Les garçons du village étaient amoureux fous, et tous à son passage lui faisaient les yeux doux. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. Il te guette, et rôde partout. Les fillettes trop coquettes lui plaisent beaucoup. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. Un soir de la montagne, elle ne revint pas. Partout dans la campagne, en vain on l'appela. Bergerette, bergerette, où vous cachez-vous? Bergerette, bergerette, nous cherchons partout. Soirée tout entière, sa mère la chercha, et quand dans la clairière, elle la retrouva. Bergerette, bergerette, rougit tout à coup. La fillette, ayant peur du loup. Sur l'herbette, tenait par le cou. Pas si bête, pas si bête, son cousin Jean-Loup. Bergerette, épouse Jean-Loup, c'est la mère, on danse partout. Bergerette, oh, Bergerette, Bergerette, la plus belle du monde. Et dans les années 50, là je m'adresse aux plus anciens comme moi, dirais-je, il y avait une émission sur le Poste parisien qui se nommait Sport et musique, qui est une émission de Georges Briquet, présenté par Robert Chapat. Et il y avait comme indicatif ceci. La marche à des sports, André Vassari. Aguet prend garde approchée, il esquive des pings, des coches, des virets du droit, du gauche, attaquant les joueurs de balle, rondes ou bien ovales, descendent en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo. Et voici les escrimeurs et les nageurs, les basketteurs, par milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques. Le sauteur qui prend son élan, frissonne un instant et hop, se détend. Sa nouvelle performance bat tous les records de France. Les coureurs mouvant peloton défilent s'en vont par monts et vallons. Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur les joyeux efforts, ivres d'efforts, chantons vive le sport. Match international pour la grande finale, avant le signal, dans le stade avec passion, on parie sur ses champions. Managers, soigneurs, supporters, vibrants, spectateurs, chantent leurs couleurs. Les voici parmi les vivants qui font leur entrée. Hourra ! Coup d'envoi de match se déroule, l'émotion saisit la foule. Plein d'espoir en ses vedettes, le sportif crie à plus tard. La victoire hésite longtemps entre les deux camps, qui sera gagnant ? C'est une lutte incertaine qui nous craint tous en haleine. Mais s'il faut qu'il y ait un vainqueur, courant de la rumeur, qu'il soit le meilleur. Et des tribunes au gradin, le vent porte ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur joyeux et fort, ivres d'effort, chantons vive. Boucle blonde qui volait au vent sur sa frimousse ronde au teint de 16 ans. Une boucle blonde au reflet cendré, mutine et vagabonde comme l'aventure un soir d'été. Et le vent qui faisait chanter le rivage. Et le vent semblait nous dire, profitez-en. Une boucle blonde qui volait au vent s'empara de mon cœur tout en l'accrochant. Une boucle blonde, un soir en dansant, m'entraînant dans la ronde folle d'un roman. Depuis que je suis bien loin d'elle, comme un souvenir lancinant, telle une étrange ritournelle que semble m'apporter le vent. Je revois son léger corsage, ses yeux rieurs, son corps troublant. Mais un détail seul se dégage, toujours aussi simple et charmant. Blonde qui volait au vent sur sa frimousse ronde au teint de 16 ans. Une boucle blonde au reflet cendré, mutine et vagabonde comme l'aventure un soir d'été. Et voilà, c'est tout ce qui m'attache à elle. Et voilà, de l'infidèle, ce qu'il resta. Une boucle blonde égrenant au vent, dans une folle ronde, un amour charmant. une boucle blonde au reflet cendré, éphémère et volage comme une belle soirée d'été. Blonde égrenante au vent, dans une folle ronde, un amour charmant. Une boucle blonde au reflet cendré, éphémère et volage comme une belle un soir d'été. Une boucle blonde s'envolait au vent. Je parlais tout à l'heure, de la mission Sport et Musique. Sport et Musique était une émission de radio diffusée sur la station Post-Parisien, Paris Inter, puis France Inter de 45 à 87. Elle présenta des reportages sportifs en direct entrecoupés de morceaux musicaux. Créée par Alex Viro le 25 février 45, Alex Viro qui est passé ensuite à Europe 1. Sport et Musique était diffusé le dimanche après-midi et durait de 15 à 18 heures. Les matchs de football et de rugby débutaient à 15 heures. À l'origine, le générique de début était La Marche des Sports, sous un docteur, une chanson interprétée par André Nassari. Chantons pour le sport d'un cœur joyeux, chantons l'espoir de la jeunesse. L'animateur d'abord, Viro lui-même, puis très rapidement Georges Briquet, qui en fut la voix emblématique, présentait l'émission à partir d'un stade où se déroulait un match. Parmi les journalistes sportifs qui ont participé à l'émission figurent Jean Crinon, Robert Chapat, Pierre Salviac et Thierry Roland. L'émission s'est maintenue tout en évoluant dans sa forme jusqu'en 1987. Voilà l'histoire donc, l'histoire de Sport et Musique. Elle dansait le baillon chaque soir, et c'était un plaisir de la voir. Son jupon s'envolait dans le vent, découvrant des trésors enivrants. Ce soir-là, un jeune homme amoureux l'accosta et les yeux dans les yeux, tendrement déclara son amour. Audacieux, il lui dit sans détour: je t'emmènerai à Cuba, c'est très joli, tu verras. Il y a des noix de coco et de l'or à gogo. Il y a partout du bonheur, il y a de l'amour dans mon cœur. Il y a mon cœur aux abois qui n'attend plus que toi. Viens là-bas dans mon pays, c'est le paradis. Tu verras comme c'est beau Santiago. Anna, viens là-bas danser le baillon en couvent. Le vieux refrain le plus doux de chez nous. Anna, tu seras la reine du vaillon à Je t'emmènerai à Cuba, c'est très joli, tu verras. Il y a des noix de coco et de l'or à gogo. Il y a partout du bonheur, il y a de l'amour dans mon cœur. Il y a mon cœur aux abois qui n'attend plus que toi. Viens là-bas dans mon pays, c'est le paradis. Tu verras comme c'est beau Santiago. Anna, viens là-bas danser le baillon en couvent. Viens là-bas, nous danserons et nous chanterons le vieux refrain le plus doux de chez nous. Anna, tu seras la reine du baillon en couvent. Le vaillant à couvert. El Negro Zumbom, c'était Francisco Grande. Maintenant, on écoute à nouveau Georges Etari dans La Route Fleurie. prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Le soleil dans les cieux nous dira bon voyage et nous suivra joyeux de village en village. Si la lune après lui parvient à nous surprendre, et nous aurons l'herbe tendre pour y passer la nuit. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Suivons la route fleurie, suivons la tour de la vie, le cœur en joie. Mañana chanté par Rose Mania. Si vous ne savez pas que mañana veut dire demain, mais je n'ai pas l'intention de vous enseigner l'espagnol, car il faudrait d'abord que j'aille l'apprendre à l'école. Mañana, mañana, mañana, c'est assez tôt pour moi. Maman lit des romans au lieu de faire son marché. Mon frère est au chômage et mon papa reste couché. Mais toute la famille est venue me dire l'autre jour, maintenant que tu es grande, il faut travailler à ton tour. Oh, mañana, mañana, mañana, c'est assez tôt pour moi. Un jour, un de mes amis me dit, faut pas prête-moi de tout ton 1000 francs. Il bégayait, j'ai une affaire, non, non, non, je te rends le doudou doublé, mais immédiatement. Il ne m'a rien rendu, mais il m'a expliqué pourtant que c'est à cause d'un cheval qui n'est pas arrivé à temps. Mañana, mañana, mañana, c'est assez tôt pour moi. Un vieux célibataire âgé de 82 ans voulut se marier après avoir pris du bon temps. Mais bien qu'il eût choisi une adorable dulcinée, quand dans la nuit de noces il lui chanta d'un air gêné, un gna gna gna, un gna gna gna, oh c'est bien trop tard pour moi. Et lorsque puisque le destin s'amuse à vous poser des cols. Mais faites donc comme moi, répondez-lui en espagnol. Mañana, mañana, mañana, c'est assez tôt pour moi. Mañana, c'est assez tôt pour moi. Quelques instants avec Monsieur Charles Trenet. La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques. Ces poèmes, ils viennent dans nos cœurs, ils mènent en douceur une existence un peu bohème. Et tant de souvenirs que l'on croyait incertains s'éveillent un beau matin dans un refrain. Alors nous disons, en toute saison, il faut donner la chance aux chansons. Tu te souviens de celle qui répétait toujours que la vie était belle, autant de tes amours, elle revient légère sur l'aile du un temps pour te parler, ma chère, de nos 20 ans. Croyait incertain, s'éveille un beau matin dans un refrain. Alors nous lisons en toute saison, il faut donner la chance aux chansons. Il faut donner la chance aux chansons. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg Valence, départemental 2207, la banlieue de Saint-Paul-de-Vence, avec le programme. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité. C'est vrai que les gens prennent notre route du chemin, peut-être les aigreurs préférence. Et les acidités qui font le malheur des grandes cités, tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg Valence, et la banlieue symbole de Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux National 7, on est heureux National 7, on est heureux National 7. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour vous signaler que le samedi 7 décembre, je recevrai Jean-François Bernard. Pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, vous pouvez venir au 266 rue du Faubourg Bannier. La porte est grande ouverte. Et le 14 décembre, le samedi suivant, je recevrai Michel Vrobel. Je rappelle, si besoin est, la disparition d'un de nos animateurs. Monsieur de 79 ans, se prénommant Antonio Ferreira, 1m68, cheveux grisonnants, corpulence très forte, habillé d'un pantalon et manteau marron, aperçu pour la dernière fois avenue des droits de l'homme. Si vous l'apercevez, merci de contacter de suite le 17 ou la radio 02 38 43 48 00. Monsieur, c'est trop sérieux, Michel, ça me va mieux. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Michel, c'est beaucoup plus sympa. Michel, moi j'aime bien ça. Chez nous les musiciens, quel que soit notre nom, on reste les gamins, on fait pas de façon. Pour jouer de bons accords, il faut bien s'accorder. La musique c'est d'abord qu'une histoire d'amitié. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Michel. Monsieur, c'est trop sérieux, Michel, ça me va mieux. Ne m'appelez pas monsieur. Que reste-t-il de nos amours ? Interprété par les 12 violoncellistes du Philharmonique de Berlin. Et bien sûr, c'est une chanson de Charles Trenet. Arc-en-ciel, 14h passé de 59 minutes. À danser sur terre y tournelle, sans même y penser, mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens. On s'aimait presque à la folie, et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, comme on a dansé sur terre ritournelle, tous deux enlacés, comme on a dansé. Que de fois on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs. Et pourtant, que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Tu m'aimes, dis-moi, chérie, que c'est pour la vie, que c'est pour la vie. Petite chanson, Georges Guettari. Écoutez ces terres, c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les est grand. De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, tournait, tournait, tournait, tournait toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. De petits chaussons y par-dessus les plus jolis yeux que l'on ait vu. Sous de longs cheveux légers, légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe, comme un papillon sous les feux de la rampe. Le soir il jouait, mais tandis que les gens riaient. De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Ils ont tant tourné, tourné, tourné qu'un soir d'été, le cœur du clown trop essoufflé s'est arrêté. De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. À 20 ans, l'on ne sait pas toujours que même un clown, ça peut mourir d'amour. Nous sentons le cœur battre gaiement. On va tout droit, heureux comme des rois, puisque l'on s'adore tous les trois. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Et de ses chagrins quand on possède un bon copain. On est comblé d'un bonheur complet et les joies de chacun sont triplées. À tout moment, ce que l'un ressent, l'autre le ressent au même instant. Un bon copain, c'est mieux qu'une bonne fortune. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une. ce qu'il y a de meilleur sur terre. Oui, car un bon copain, c'est beaucoup mieux souvent qu'un frère. C'est grand, comme dit mon père, c'est toujours sincère. Joyeux est le chemin quand on procède. Quand on procède. Permis quand on rêve, on a tous les droits, chérie, c'est pourquoi dans mes bras je vous enlève en vous caressant tendrement. Devient décevant. Tout est permis quand on rêve. Quel malheur de l'aimer quand on rêve. Parmi vos nombreux soupirants, que suis-je pour vous, un indifférent? Mais quand je rêve heureusement, je deviens prince charmant. Tout est permis quand on rêve. On a tous les droits, chérie, c'est pourquoi dans mes bras je vous enlève en vous caressant tendrement. Au matin, tout s'achève. Il redevient décevant. Tout est permis quand on rêve. Quel malheur de n'aimer quand Rémusa et c'est Printemps d'Alsace. Dès qu'il la vit, il fut séduit par ses grands yeux et ses 20 ans. Un beau soir en Alsace, au printemps, il s'approcha, elle lui sourit. Il l'invita, elle lui dit oui. Un beau soir en Alsace, au printemps. C'est ainsi qu'en valsant, on bâtit un roman. Le jeune homme amoureux en bâtit plutôt deux. Gentille, elle l'écouta, mais ne répondit pas, de peur que son amour ne dure pas plus d'un jour. Elle attendit toute l'année avant d'être sa fiancée. Un beau soir en Alsace au printemps, mais quand il sut qu'elle acceptait, ils échangèrent un long baiser. Un beau soir en Alsace au printemps, c'est ainsi que l'amour bâtit son nid un jour. Autant des lilas blancs en Alsace au printemps, les deux cœurs amoureux furent longtemps heureux, pendant toute une vie sans jamais qu'ils oublient que leur amour très tendrement commença un soir en valsant. Maintenant, ils ont des cheveux blancs. Ils se souviennent en souriant du grand bonheur de leurs 20 ans. Un beau soir en Alsace au printemps. Bonsoir en Alsace au printemps. Bellamy.

c'est ta maman le soir, la petite, petite Marionnette, qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient, le soir où tu as du chagrin. Quand t'as de secrets, quand t'as de la peine, quand personne t'aime, que t'as des problèmes, quand la vie est dure, plus une aventure, rien que des blessures, vilaine figure. Ne pleure pas, ne t'en fais pas, regarde-moi et n'oublie pas le petit bonhomme. Et râle le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Quitté, voilà deux jours, je crois, à l'âge de 80 ans. C'est Marie Laforêt et nous interprète Qu'est qu'alors la vie, ça. Brille son bâton, le manège tourne en rond, dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rond, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et nana sur son ballon, fait bon. Le soleil d'été, c'est si bon de ne pas penser. Caro, que caro la vida, caro la vida, caro la vida, caro la vida, caro la vida. Bonjour madame et bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fait. Il y a la perdu la guerre, le préfet, la chaisière, au paradis vont s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et nana. C'est simplement un petit extrait. On va continuer avec Patrick Sébastien, et il va nous interpréter cette fois-ci. Ah oui, il va nous interpréter quelque chose que vous aimez bien sur Radio Arc-en-Ciel. Ça s'adresse à certaines personnes. Voilà, je dis pas le titre, vous allez le découvrir en même temps que moi. On vient d'écouter Le Bonhomme en Mousse, et là c'est, devinez. Devinez, et vous avez gagné. Ils font rien qu'à nous faire des promesses qu'ils ne tiennent jamais. La seule chose qui les intéresse, c'est de passer à la télé. Tout pomponné, tout maquillé, ils viennent parler au journal. Pendant que monte du fond des cafés le son de la chorale. Ah, pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à tous ceux qui font des débats, la philo à deux balles. Y'a celui qui est pour et y'a celui qui veut pas. Et ça parle, et ça parle. Tout proposé, tout maquillé, ils viennent vendre leur salade. Pendant que monte du fond les cafés, la grande céréale. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Yeah. Et puis y'a moi qu'on fait partie aussi, faut toujours que je la ramène. Comme si on lisait pas assez de conneries, faut que j'y rajoute les miennes. Tout proposé, tout maquillé, je vous promets, je vous en voudrais pas. Vous avez le droit du fond du café, chantez aussi pour moi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Cette chanson, je l'ai faite pour vous, les Français, les Françaises. Allons enfants, ça sera notre hymne à nous, notre Marseillaise. À la maison, à ton bureau, quand on aura marre d'écouter le casse-bonbon qui parle trop, tu pourras lui chanter. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça fait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça fait du bien à la France. Ma voisine, passe avec cuisine. C'est pas lui qui passe l'année à bosser pour un vieux crouton. C'est chaud, on pense qu'à faire la fête. C'est chaud, personne ne nous prend la tête. C'est chaud, on a changé de planète. C'est chaud, et on chante à tue-tête. Après notre ami Patrick Sébastien, ah, encore une. Et c'est parti pour la chanson d'Élise. Laisse-moi respirer, me casse pas les cerises, je n'ai rien à te cacher. Tu m'accuses que j'ai bu, moi je me défends que non. Tous mes copains sont venus, on a fait cette chanson. Pour toi, on le jure sur la tête de ta mère, qu'on a bu que de l'eau, qu'on a bu que de l'eau. Seulement voilà, c'était sûrement de l'eau de mer, et c'est pour ça qu'on tangue comme les bateaux. Tu me juges, t'es toujours sur mes talons. Tu dis que je fais la fête et tu crois que je picole. Mes copains sont revenus pour te rejurer que non. Ah non, on le jure sur la tête de ta mère. On a vu que de l'eau, on a vu que de l'eau. Seulement voilà, c'était sûrement de l'eau de mer, et c'est pour ça qu'on tangue comme les bateaux. Signer une 15h passées de 39 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On continue jusqu'à 10. Non, jusqu'à 16h, pardon, excusez-moi. Je me trompe. Alors, on va écouter autre chose. Je ne sais pas quoi, mais certainement autre chose. Caché au fond de ma mémoire, ces violettes de ma jeunesse. Bien, André. Je les avais gardées pour toi. Toi l'inconnu, toi la promesse, espoir secret au fond de moi. Les années ont passé, les bois, les champs de blé. Ici non, rien n'a changé, juste une image. Je t'espérais partout, comme un rêve un peu fou. Un jour, un rendez-vous, pas un mirage. Ces trois violettes pour dire je t'aime, que je contemplais le soir en décorant mon poème, faisait vivre un peu d'espoir. Ce vieux livre de ma jeunesse, je l'ai relu avec regret, en sachant oui que sa promesse, un beau jour, me ferait chanter. Alors j'allais flâner parmi les champs de blé, pour qui, oh, je ne savais, écrire je t'aime. Mais le soleil a brûlé mes plus jeunes années. Dans le vent, j'entendais ce vieux poème. Ces trois violettes, toujours les mêmes, fleurissent aujourd'hui pour toi. Trois violettes pour ces je t'aime que tu as gravé pour moi. Ces violettes qui renaissent après la neige et l'hiver, pour prolonger la jeunesse, j'ai gardé si je m'ouvrais quelques heures de sommeil, les lueurs de l'aurore enflamment l'horizon. On peut partir, partir vers le soleil. Au sud, il brille encore. Le rêve et la raison pour l'avenir. Après la neige et l'hiver, pour prolonger la jeunesse, j'ai gardé ce livre ouvert. Pierre-André, faut qu'on rappelle l'autre temps. On va changer de musique. Donc, caché au fond de... Pierre-André, sacré portugais. C'est pour nos amis portugais. Hein. Toi qui as quitté les rues de Lisbonne pour gagner ta vie parmi nous, t'as la nostalgie de ces maisons blanches au bord de la mer. Au fond de tes rêves, un air tourbillonne, rempli de soleil pour toujours. T'arrives perdu, tout comme un enfant trop loin de sa mère. Quand tu parles de ton pays, t'as des nuages au fond des yeux, mais tu gardes un peu de ciel bleu quand tu parles à tes amis. Samedi 16 novembre de 14h à 19h et dimanche 17 de 10h à 18h aura lieu un marché de Noël à Ormes, exposant artisanat gastronomique à la salle Seigneuré, complexe sportif. Les soirées quand les nuits sont chaudes avec les amis près du port, les femmes qui parlent en mettant dans le linge à la fenêtre. Fini les ruelles, les gamins qui rôdent en criant mais que tu adores, une larme vite essuyée par celle qui t'a vu naître. Toi qui cherchais l'Eldorado en franchissant les Pyrénées, tu es un pion dans le métro quand t'as gagné ta journée. Tu sais qu'un jour tu reviendras vers ta famille et ton pays. Ce jour-là surtout n'oublie pas que chez moi t'as des amis. Mais dans le café, au coin du boulevard, tu as retrouvé Candido, Raoul et Guido, Miguel et Manu et puis Natalia. Alors il fait bon malgré le brouillard et la dure journée de boulot. Tu n'es plus tout seul, les copains sont là et c'est bien comme ça. Quand tu parles de ton pays, en chantant quelques mélodies, on est avec toi pour jouer, on ne veut pas s'ennuyer. Apprenons encore au Mayo, tu n'es pas très loin de Porto. Sacré Portugais qui m'a dit, bienvenue à toi l'ami. Guinguette à vendre, qui peut comprendre, en noir sur blanc combien c'est émouvant. J'ai rêvé d'une guinguette avec Josie Andrieux. 15h passées de 47 c'est minutes. C'est un nouveau tournant de mon destin. Je rêve d'une guinguette au bord de l'eau. L'enseigne serait simplette, mon caboulot. Des lampions jaunis vous diraient les nuits de veille. Sur un vieux piano, des airs de Scotto, sommeil. Je rêve d'une guinguette, les volets clos. Attendant que je l'achète, pour que bientôt des refrains de fête emplissent l'air de leurs échos. Je rêve d'une guinguette au bord de l'eau. Sous la charmille, garçons et filles, asseyez-vous pour chanter avec nous. Voici l'asile des vraies amitiés. Un gai dimanche est au bout du sentier. Je rêve d'une guinguette au bord de l'eau. Des refrains de balmusette courant sur l'eau. Des bosquets auraient d'aimables secrets, la garde. Dans le soir, je veux que les amoureux s'attardent. Qui branche dans ma guinguette des inconnus. Me prenant pour la soubrette, me dirais-tu, la vie fut si bête qu'on l'oublierait au fil de l'eau. Je rêve d'une guinguette au bord de l'eau. Et après, ce sera Fou de vous avec Stéphane Chaumont. Je rêve d'une guinguette au bord de l'eau. Les applaudissements, c'est enregistré à la chance aux chansons de Pascal Sauvoy. Je n'ai plus qu'une envie dans la vie, c'est vous chérie. Fou de vous, je suis fou de vous. De vos yeux si doux, de votre goût, de tout de vous. Ce que vous en pensez, je n'en sais rien, je vous l'avoue. C'est peut-être insensé, je le sais bien, mais je recommence mon information sur une disparition. Un monsieur de 79 ans, se prénommant Antonio Ferreira, 1m68, cheveux grisonnants, corpulence dans une glace à votre insu, très forte, vous remettiez un peu de poudre. Habillé d'un pantalon et manteau marron, aperçu pour la dernière fois près de l'étuvé à l'avenue des Droits de l'Homme. Si vous l'apercevez, merci de contacter le 17 ou le 02 38 43 48 00. Merci. Et depuis cet instant, sans être votre amant, fou, je suis fou de vous. Je n'ai plus qu'une envie dans la vie, c'est vous, chérie. Fou de vous, je suis fou de vous. De vos yeux si doux, de votre goût, de tout vous. Ce que vous en pensez, je n'en sais rien, je vous l'avoue. C'est peut-être insensé, je le sais bien, mais je m'en fous, fou, fou de vous. Je suis fou de vous, et ma joie, c'est de le crier sur les toits. Un soir peut-être malgré vous, malgré moi, je vous dirai tout, quitte à vous voir enfin sourire. Vous prétendrez que je suis fou, vous n'aurez pas tort entre nous, si ma folie c'est vous séduire. Mais ça c'est un espoir, pour l'instant, sans savoir. Fou de vous, je suis fou de vous. Je n'ai plus qu'une envie dans la vie, c'est vous, chérie. Fou de vous, je suis fou de vous. De vos yeux si doux, de votre goût, de tout de vous. Ce que vous en pensez, je n'en sais rien, je vous l'avoue. C'est peut-être insensé, je le sais bien, mais je m'en fous, fou, fou de vous. Je suis fou de vous, et ma joie, c'est de le crier sur les toits. La main tôt